Olympics are on. Encore une nuit blanche, passée sur les planches, à tenter la romance au bal de Mélomine. J'ai vu la solitude danser avec un rêve oublié. Et puis sur le cop de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux de cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux de cœur, les yeux de cœur. Ensemble ils sont partis, la fête va continuer. J'ai vu le soleil briller au fond des corps blessés. Il y a l'espoir caché dans les yeux de mal-aimé. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé mon corps parler. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux de cœur. Je suis plus sensible à l'invisible que ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux de cœur, les yeux de cœur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux de cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux de cœur, les yeux de cœur. I can't sing, it's too late now. Sorry, y'all.